Les personnalités de divers pays exaltent le président Kim Il-sung, qui accomplit les exploits immortels pour la patrie, la révolution et la cause d'émancipation du monde. La présidente du Parti pour la paix et l'unité de Russie, le président du Parti des ouvriers de Hongrie et le sous-secrétaire général du Parti islamique uni d'Iran ont indiqué que le président Kim Il-sung est le fondateur de la République populaire démocratique de Corée et le grand homme politique d'État, et ont exalté les exploits immortels du président coréen qui a consacré toute sa vie pour la liberté, le bonheur du peuple, la réunification du pays et la victoire de la cause d'émancipation du monde. Le président du Comité national nigérien d'études du kim-il-sungisme, Kim Jong-lisme, a dit que le président Kim Il-sung, avec largeur d'esprit et l'obligation internationale, a aidé activement la lutte de libération nationale, la lutte anti-impérialiste et l'édification d'une nouvelle société des pays africains. Et le chef du Cercle allemand pour l'étude de la culture coréenne a souligné que le président Kim Il-sung, qui a travaillé énergiquement jusqu'à la fin de sa vie pour la patrie, le peuple et le progrès victorieux de l'œuvre socialiste, est éternel comme le soleil dans le cœur du peuple coréen et de l'humanité progressiste du monde.